Merci Mathieu et très bel été à vous. Bon ben voilà, on y est, hein. C'est la dernière de la méthode scientifique. Vous ne pensiez évidemment pas que j'allais vous laisser partir les mains vides. Alors pour finir, on a mis autant de monde qu'on a pu autour de la table, des voix familières, des voix nouvelles, une mosaïque d'auteurs, d'éditrices, de vulgarisateurs, de cinéastes, de scientifiques, bref, le plein dans le studio pour faire le plein dans vos bagages pour l'été qui s'ouvre. Et pour plus loin encore, installez-vous confortablement, prenez un petit carnet, un stylo, une tablette, ce que vous avez sous la main, et faites-nous confiance, on va bien, mais alors bien vous remplir la valise. De la SF plein la valise, c'est le programme final qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Elle et ils sont là dans ce magnifique studio spatial 551, prêts à en découdre pour partager avec vous ce qui les a fait vibrer, rire, pleurer, réfléchir, trépigner ces derniers mois. Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Autrice L'arithmétique terrible de la misère, notamment au Bélial. Marion Mazoric, bonjour Marion. Bonjour. Directrice des éditions du Diable Vauvert. Cécile Lestienne, bonjour Cécile. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Directrice de la rédaction de Pour la Science, Mathilde Fontaise, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef d'Epsilon, Simon Rio, bonjour Simon. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef d'Écran Large, Éric Lagadec, bonjour Éric. Bonjour Nicolas. Astronome à l'Observatoire de Nice Côte d'Azur et président de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, Ariel Kirou, bonjour Ariel. Bonjour. Auteur notamment dans les imaginaires du futur chez ActuSF, Olivier Lascar, bonjour Olivier. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, Romain Daudet-Jahan, bonjour Romain. Bonjour. Scénariste, réalisateur et deux petits nouveaux pour cette dernière, Yann Olivier, bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Et bienvenue, éditeur chez L'Atalante et Victor Bonnefoy, salut Victor. Salut Nicolas. Il alias In The Panda est producteur du podcast Pardon le cinéma. Et pour commencer, eh bien, j'ai décidé de commencer par un univers que j'ai découvert récemment grâce à deux personnes autour de cette table. Il faut dire que c'est un véritable aspirateur à temps libre, un trésor numérique dans lequel vous risquez vous-même de tomber pendant des heures et des heures. Ça s'appelle la fondation SCP. Et c'est Simon Rio qui va nous en parler pour commencer. Qu'est-ce que c'est que cette fondation, Simon ? Qu'est-ce que c'est que cette fondation ? C'est un petit peu, on va dire, le dédale où nous aurions jeté, Nicolas, nos imaginaires les plus sombres. Moi, je l'ai découverte indirectement par le biais d'un jeu vidéo qui s'intitule Control, qui est, pour le dire très simplement, un jeu de tir existentiel et magnétique. Eh bien, ce jeu de tir a pour décor une fondation étrange, dont on sent, dont on comprend qu'il se passe des choses rien moins que pas très catholiques. Et en fait, c'est l'adaptation non officielle, indirecte, de la Fondation SCP. La Fondation SCP, c'est une œuvre fictionnelle collaborative en ligne. Elle naît en 2007 de ce qu'on appelle une creepypasta, c'est-à-dire une forme de nouvelle écrite à la manière d'eux et publiée en ligne, on va dire hors système commercial. Et donc qu'est-ce que c'est ? C'est le rapport, c'est le SCP 173. C'est un rapport qui nous explique comment la fondation a mis au point une technique pour contenir un étrange objet aux capacités, aux singularités surnaturelles. Le texte va amuser, intriguer, et puis un deuxième auteur va inventer lui-même un rapport, un SCP, quelque chose, puis un troisième, puis un quatrième, jusqu'à ce que ces textes quittent ce qui a été leur premier berceau, à savoir un des nombreux forums abrités par le site 4chan, pour devenir un site à part entière, la fondation SCP, où tout un chacun est libre de rédiger dans sa langue, dans la langue qu'il parle, qu'il écrit, un nouveau rapport de la fondation sur un nouvel objet, aux nouvelles propriétés dont on expliquera comment le contenir, quels sont ses effets, quelles menaces représente-t-il et pourquoi il est bien sûr nécessaire de le garder dans cette fondation SCP. Cela donne des milliers de textes dans toutes les langues qui créent de manière absolument incroyable un espèce d'essaim, une ruche mythologique. Mmh. C'est labyrinthesque, c'est fascinant. Le sol se dérobe en permanence sous nos pieds quand nous découvrons tous ces nouveaux essais. Et enfin, leur nature collaborative en fait une œuvre absolument singulière et unique dans la création de science-fiction contemporaine. Oui. Yann Olivier, c'est un peu vous aussi qui m'avez orienté vers cette fondation SCP. Je dois dire que depuis que vous en avez parlé, j'ai passé quelques nuits blanches parce que que c'est vraiment un puits sans fond, c'est extraordinaire. Donnez-nous quelques exemples, parce que il faut savoir ce qu'il y a dans cette fondation SCP et ce que produit l'imaginaire des différentes autrices et auteurs qui collaborent. Tout à fait. La fondation SCP, c'est pour secure, contain and protect. Donc sécuriser, contenir, protéger. Et protéger de quoi ? Protéger d'objets qui ne sont pas en accord avec les lois rationnelles de notre monde. Et ils brisent les lois. Donc par exemple, la première creepypasta, la première nouvelle, c'est un objet, une espèce de statue qui ne bouge pas lorsqu'on la regarde. Et dès que on arrête de la regarder, elle commence à massacrer toutes les personnes qui sont à sa portée. Et du coup, cette statue, il faut régulièrement nettoyer la cellule dans laquelle elle est. Et du coup, l'ensemble de la nouvelle va être comment, quelle équipe il faut pour sécuriser, nettoyer cette salle, le fait qu'il faut toujours être trois, parce que si jamais on se les trois clignent des yeux en même temps, alors l'ensemble de l'équipe va mourir. Donc vraiment savoir comment protéger cet objet. Et du coup, peu à peu, de quelque chose d'aussi trivial et en même temps intrigant, vont être bâtis des mythes jusqu'à la compréhension de qui est Arthur, quels sont les chevaliers de la table ronde, etc., etc. Simon, d'autres exemples, il y a des choses qu'on peut citer, par exemple. Il y a par exemple un bunker. Une cage d'escalier. Ah, il y a une cage d'escalier infinie, on va dire un escalier des chers. Dont on ne peut que descendre. C'est-à-dire, à partir du moment où on rentre dedans, on ne peut que descendre. Absolument. On ne peut plus remonter. Il y a un bunker, un ancien bunker nazi qui se trouve dans la narine d'une femme, qui donc elle-même devient un objet un petit peu étonnant. Je vais pas vous en révéler plus, parce que découvrir ces objets et on commence en général par les plus connus, c'est intéressant. Peut-être ce qu'il faut rappeler, ce qui est fascinant d'un point de vue littéraire, c'est que ce sont des textes protocolaires qui suivent tous la même orchestration, c'est-à-dire ces textes sont là pour nous expliquer comment entretenir la cellule dans laquelle ces objets sont emprisonnés. Mais du coup, le défi artistique, le défi littéraire, c'est comment créer de l'étrange, créer du style à travers ce qui est mine de rien un mode d'emploi IKEA du surnaturel. Et ça, c'est pour les textes qui y parviennent quelque chose d'assez vertigineux. Il y a aussi un magasin IKEA dont l'intérieur s'étend à l'infini et où les clients perdent leur chemin et restent piégés et ils ont formé une proto-société du coup, qui sont poursuivis par des monstres humanoïdes à l'intérieur. Victor Bellefoy. Simon a abordé le jeu Contrôle qui adapte pas réellement la fondation SCP. Sachant que ça existe depuis maintenant une quinzaine d'années, la fondation SCP, il y a eu déjà plein d'adaptations, vu que c'est plein de petites nouvelles les unes avec les autres. L'escalier qu'on citait a eu un jeu vidéo dédié qui est trouvable sur Internet, où on doit descendre cet escalier sans fond, sans jamais savoir où on va. La statue dont on parlait juste avant, il y a un jeu où on est poursuivi dans des couloirs et il faut toujours garder la statue en vision, sinon on se fait tuer. En fait, c'est la possibilité d'avoir des milliers d'histoires qui sont réadaptables dans plein de médiums différents. Catherine Dufour. Oui, il y a un artefact qu'on n'arrive pas à identifier parce que dès qu'on en parle, il vide votre mémoire. Et je parlais de quoi là? C'est ça, on ne sait jamais ce que c'est. Bref, la fondation SCP, allez-y si vous avez du temps. Vous allez y passer des nuits entières. C'est absolument un puits sans fond et c'est tout à fait passionnant. Et vous risquez de rater quelques belles journées d'été au lieu d'aller à la plage. Vous allez tomber dans la fondation SCP. On va passer à quelques livres à suivre, à commencer par le dernier Max Brooks, Fields de Mel, le fameux réalisateur, auteur du guide de survie en territoire zombie et de World War Z, un dernier livre que vous avez beaucoup aimé, Olivier Lascar. Oui, alors j'y suis arrivé totalement naïf, hein, parce que j'avais pas lu moi le livre sur les zombies, je connaissais pas Max Brooks, enfin si ce n'est qu'effectivement Mel Brooks et la formidable Anne Bancroft, hein, Mrs. Robinson, qui était actrice aussi, hein, et qui joue aussi dans Elephant Man. Bon bref, ils avaient eu un fils ensemble qui est Max Brooks, et je connaissais rien de lui, si ce n'est qu'il aimait la littérature fantastique. Alors j'ai beaucoup aimé Dévolution parce que c'est une façon de revisiter un thème qui nous est cher, en tout cas j'allais dire aux journalistes scientifiques, à certains d'entre eux. Moi j'ai beaucoup aimé la cryptozoologie, j'ai beaucoup écrit sur la cryptozoologie, littéralement la cryptozoologie, vous savez, c'est la science des animaux cachés, il s'agit de parler de la bête du Gévaudan, des dinosaures perdus au cœur de l'Afrique. C'est évidemment un thème qui est tombé en désuétude. Le monstre Loch Ness, etc. Bon, Bigfoot. Aujourd'hui, avec les techniques d'imagerie, les satellites qui scrutent tous les recoins de la planète, c'est difficile de rêver à des animaux cachés. Mais néanmoins, c'est un thème qui a existé et qui a été cartographié scientifiquement. Et le plus célèbre de tous les animaux cachés, c'est quand même le Yéti. Et selon les latitudes où on se trouve, le Yéti, l'homme des bois, il a différents noms. Le Yéti, bon, bah, c'est dans l'Himalaya. Et aux États-Unis, en Amérique du Nord, on parle du Sasquatch de Bigfoot. Et ce livre d'évolution, c'est une façon de revisiter le mythe de Bigfoot à la sauce horreur. Puisque l'histoire de ce bouquin, c'est qu'une communauté d'Américains fortunés, hein, on les appellerait pas... Enfin, c'est des bobos, quoi. Hein, c'est des bobos. Ils sont, ou des bourgeois tout court, d'ailleurs. Ils sont pétés de thunes et... Ouais. Ils sont gros bourgeois, c'est pas des bobos. Ils s'ennuient profondément en ville, ils trouvent que c'est très compliqué, le fracas, etc. Donc ils ont envie de faire une pause à la campagne, mais dans une campagne high-tech. Alors c'est des bungalows qui sont bardés de capteurs, il y a du wifi partout, donc ils peuvent continuer à cultiver le quinoa et à sculpter sur glace ce qu'ils ont envie de sculpter. Bon, ça se passe très bien, mais malheureusement c'est du côté de Seattle, c'est près... du mont Washington, qui est un volcan endormi qui se réveille. Et l'éruption de ce volcan ne va pas détruire cette communauté qui s'appelle Green Loop, mais va l'isoler du reste du monde. Donc, ces personnages qui n'étaient vraiment pas faits pour ça vont devoir d'abord, dans un premier temps, s'adapter en mode survivaliste. Hein. On pense à Délivrance. Bon, ils vont devoir s'adapter à cette nouvelle situation. Ils vont devoir survivre. Et là, c'est le premier attrait du livre aussi, parce que Max Brooks donne pas dans la comédie. Mais il a très mauvais esprit, il est très méchant et il plonge dans une situation très délicate des personnages qui n'y étaient vraiment pas préparés. Donc il y a un aspect un peu jeu de massacre, c'est assez jouissif de les voir se débattre dans ce maelstrom. Et puis la seconde partie, c'est quand surgissent la communauté des Bigfoot qui sont très très méchants et qui vont faire passer un satané sale quart d'heure à nos amis de Green Loop. Ce qui est frappant avec ce livre, c'est qu'on a l'impression que ça déploie une veine qu'on voit beaucoup en ce moment et notamment dans le cinéma américain. Il y a eu le dernier Avatar qui est très mauvais par ailleurs, de Massacre à la tronçonneuse, qu'on voit sur Netflix, où les personnages qui sont confrontés à la sauvagerie de la nature sont, alors dans le Massacre à la tronçonneuse, c'est des influenceurs qui viennent dans un bled du Texas pour faire des vidéos en boucle, etc. Et c'est des gens qui plaident vers le retour à la nature, la communion à la nature, et en fait ils n'y étaient pas du tout préparés parce que la nature n'est pas si gentille que ça, quoi. Elle se retourne contre eux. Et ça, c'est un thème qui est assez contre-intuitif par rapport à l'époque, quoi. On va reparler de la question des franchises dans quelques instants. Côté horreur et fantasy, tout autre chose. Pedgely Clark, c'est un recueil de nouvelles uchroniques avec le maître des djinns. C'est chez La Talente. Marion Mazorek, vous voulez nous en dire un mot? En fait, tout à fait. Je vais parler de Pedgely Clark, mais alors pas du recueil de nouvelles, mais de Ring Shoot. Parce que c'est Ring Shoot que j'ai lu et adoré. Alors moi, comment je suis venue à Pedgely Clark? Bon, évidemment, il est publié par un excellent confrère, La Talente, et je l'avais repéré dans finaliste dans pas mal de prix de l'imaginaire. Mais ce qui m'a motivée, moi, pour le lire et le découvrir, c'est le fait de publier Octavia Butler et qu'il fasse partie de cette génération d'écrivains grâce auxquels, il n'y a pas eu que ça, mais leur influence, je pense, est quand même majeure, grâce auxquels elle a été redécouverte, on va dire 15 ans après sa mort, alors qu'elle avait fondé ce qu'on appelle l'afrofuturisme, mais surtout qu'elle a pour moi fondé la pensée décoloniale, en fait, et la pensée de noir de ce qu'a coûté du coup de l'esclavagisme et de comment est-ce que ça structure encore les questions contemporaines du woke et de la libération. Et ça, c'est absolument... Donc je voulais voir ça, c'est chez Jelly Clark. Et c'est pour ça que j'ai choisi... Ring Shoot en quelques mots, de quoi ça parle? Ring Shoot, ça se passe en 1920, juste après la Grande Guerre, début donc d'un siècle. Et à cette époque-là, les Blancs se transforment en monstres, les Blancs qui s'appellent les clans, se transforment en monstres et deviennent des Ku Klux, qui sont des monstres blancs, des espèces de zombies dotés d'une force terrible et qui menacent la survie des derniers Noirs qui sont en lutte depuis, en fait, la fin du ségrégationnisme et même il y a eu une pause pendant la guerre où ils ont fait soldats. Ils ont appris à se battre. C'est important. Mais la première chose qui frappe dans Ring Shout, c'est le travail de langue. C'est-à-dire que la première chose que pose Jelly Clark, c'est qu'il est impossible de parler, de faire parler et de penser des Noirs de l'époque, donc on est en 1920, dans une langue qui serait la langue des Blancs. Et là, il fait tout un travail absolument formidable qui va conduire tout le livre et qui consiste à trouver une langue qui existe, hein, qui existe encore aux États-Unis et qui est un argot né, enfin un américain, enfin non, plutôt un africain, un peu oralisé vers l'américain, et qui va permettre, en fait, via Le ring shoot, c'est une musique de marche, c'est aussi un rituel de protection, de retrouver les sources mythologiques et fantastiques qui vont permettre de vaincre ces espèces de d'abominables blancs pleins de haine et qui se transforment en monstres. Et ce qui est intéressant, évidemment, et là, c'est vrai qu'il prolonge complètement l'œuvre de Butler pour aller plus loin et l'ouvrir sur des notions extrêmement modernes, c'est par exemple la notion de colère et de haine. C'est la haine qui nourrit l'homme blanc, qui va devenir le carburant magique qui nourrit ces monstres, et les trois héroïnes qui sont des chasseuses de monstres, alors là on est complètement dans un roman d'action, vont comprendre qu'en fait on peut être, c'est la colère, la juste colère, est leur carburant, et c'est en monnayant cette haine qui remplit les blancs auprès de monstres d'origine d'ailleurs assez africaine qu'ils vont réussir à vaincre ces zombies. Donc un espèce de conte qui réactualise complètement le fantastique, le retrempe dans des mythologies qui dépassent les choses qu'on a l'habitude de voir dans le fantastique américain en tout cas, et qui de façon très belle pose la question de ce qui reste de l'esclavage dans la culture noire. C'est très beau livre. Oui, ça renvoie à ce mouvement d'afrofuturisme qui est vraiment en train de prendre un essor incroyable. On recevait à ce micro River Solomon il y a peu, ce Roland qui réinterroge aux forges de Vulcain, pardon, qui réinterroge l'héritage de l'esclavage. Même Témaronne. Témaronne de Michael Rock, qui était à ce micro aussi. Voilà, qui lui-même invente une langue, une langue créole, en quelque sorte, mais complètement inventée, en fait, qu'il imagine. Et on voit qu'on parle réellement aujourd'hui des afrofuturismes. Ouais. En tant que Ku Klux qui essaie de se soigner, je peux le dire avec une certaine force et une certaine puissance. Oui, Nnedi Okorafor, de plus en plus. Parce que le Ku Klux, il a déjà muté. Il a déjà muté. Mince alors. Oui, Nnedi Okorafor. Voilà. Yann Olivier, puisque c'est vous qui publiez. Oui, tout à fait. La force de Richard, qui a été primé du prix Locus et du Nebula, qui était finaliste du Hugo, pour la novella, c'est aussi d'intégrer le côté mythologique de la fondation des États-Unis. C'est-à-dire que au-delà de se dire que on va mettre juste des monstres sous les capuches, il faut voir ce qui les met en branle. Et ce qui les met en branle, c'est de nouveau la popularité de Rise of a Nation. Et du coup, que ce film est un artefact par le grand sorcier du clan. Mmh. Et que en montrant ce film, on infuse de haine le clan. Et du coup, on va pouvoir transformer les gens. Mmh. La grande force de ce texte, c'est en si peu de pages, passer de l'aventure, du pulp, au body horror, à l'horreur cosmique. Ariel Kiro, un mot. Et surtout, ce qui est très très fort, et c'est très contemporain, c'est que tous ces livres-là n'ont plus de genre. C'est-à-dire science-fiction, fantastique, fantasy, réinvention des mythes, c'est tout ça à la fois. Et là, c'est très contemporain, parce que c'est tout ça à la fois, avec une visée politique. Mmh. Et on y retrouve des morceaux de bravoure formidables, comme cette phrase très belle, qui, à mon avis, résume la musique noire. Je porte en moi la beauté d'une musique inspirée par l'esprit de lutte et l'amour féroce. Et c'est la musique qui va sauver le monde dans ce livre. Pedjeli Clark, c'est aux éditions de l'Atalante. On va continuer à explorer la littérature. On va passer du côté un peu plus classique. Un autre auteur auquel nous avions vraiment envie de consacrer une émission entière, mais faute de temps, eh bien, on va parler tout de même de Stéphane Vull avec vous, Romain Dodéjahan. Je sais que c'est vraiment l'un de vos auteurs fétiches par lequel vous êtes rentré dans la science-fiction. Vous voulez nous parler de Homs. Oui, Homme en série, c'est ça. Je sais que vous en avez parlé plusieurs fois à la méthode, et je pense notamment à cette émission avec Philippe Douriet, qui aimait beaucoup Stéphane Vull. C'est un auteur assez étonnant qui était qui a écrit dans les années 50, qui était chirurgien dentiste et qui écrivait en parallèle par plaisir, et qui a produit 11 romans en 3 ans dans les années 50, en un temps extrêmement restreint, et qui est revenu 17 ans après avec un dernier roman qui s'appelle No. Et moi, je voulais parler de Homme en série, qui est un roman qui se passe sur une planète qui s'appelle Igam, et qui met en scène des êtres extraterrestres géants qui ont asservi les humains et qui les élèvent comme des animaux de compagnie. Et ils les appellent des hommes avec ce jeu de mots OMS. Et les femmes, ils les appellent des hommes avec un E. Et les humains sont donc redevenus des animaux qui sont privés de culture, de presque de la parole, et qui n'ont plus aucune conscience ni de leur passé, ni de leur capacité. Et le livre met en scène un petit homme qui s'appelle Terre, et qui est l'animal de compagnie d'une drague, de cette espèce extraterrestre, et qui va reprendre conscience de ses capacités en tant qu'individu, et qui va fuir la maison dans laquelle il est animal de compagnie pour rejoindre les parcs de la ville où vivent des hommes sauvages qui refont civilisation ensemble. Et comme il est un peu plus intelligent que les autres, il va réussir à les mettre ensemble de façon à pouvoir reconstruire une forme d'humanité dans cette planète qui leur est hostile. Ouais. Un mot, Ariel Kérou, sur Stéphane Dulle, qui est publié en intégrale chez Bragelonne. Alors en l'occurrence, homme en série, c'est dans une petite collection qui s'appelle French Pulp, mais c'est un auteur qu'on redécouvre récemment et qui est effectivement un auteur extrêmement important. On en parlait dans l'histoire de la science-fiction il y a peu de temps. Oui, bah c'est moi je me souviens quand j'étais gamin, en fait, d'avoir piqué Les Présences du futur de mon père et d'avoir lu Neuro et quelques autres. Et après il y a N'Yourk, qui est une sorte de post-apo assez incroyable. Et il fait partie de ces auteurs, en fait, qui sont sortis au moment de l'âge d'or, la fin de l'âge d'or de la science-fiction, un peu comme Theodore Sturgeon, et qui, au fond, quand on les lit aujourd'hui, semblent complètement inclassables. Oui. En fait, ils n'appartiennent pas à la logique positiviste. Ils ont une sorte. Après, il y a eu Robert Sheckley et quelques autres. Et c'est vrai que c'est, voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Quand on les relit, ils sont terriblement contemporains. Et puisqu'on parlait d'extraterrestres, vient de ressortir il y a quelques mois Le Ressac de l'espace de Philippe Turval. Et c'est pareil, c'est-à-dire que ces extraterrestres qu'il met en scène dans Le Ressac de l'espace, bouquin qui est sorti en 1962, qui a vendu à plus de 200 000 exemplaires à l'époque quand même. Donc il faut quand même dire que c'est assez incroyable. C'est des extraterrestres parasites qui transforment l'horreur humaine en paradis surréaliste. Mais en même temps, comme l'animal humain a envie d'un peu de liberté, bah, ça cause quelques soucis. Et sur la figure de l'extraterrestre, qui est l'autre radical, hein, au fond, il y a eu dans cette période-là, entre les années 50 et 60, un tas de livres, comme le Stéphane Dulle, assez extraordinaires et qui nous font réfléchir aujourd'hui. Oui, je renvoie à l'histoire et en l'occurrence au deuxième chapitre de cette histoire de la science-fiction que nous avons fait avec Philippe Turval. Notamment, on vous remet le lien sur le fil Twitter. Puisqu'on reste dans les classiques que nous sommes en 2022, alors on n'est pas à 40 millions d'habitants à New York, mais c'est paradoxalement l'un des films dont on a peut-être le plus parlé dans les vendredis de science-fiction et qu'on n'a jamais vraiment traité. Voir ces samples et acheter du soleil jaune fait avec d'authentiques gerbes de soja. Miettes de soleil, à seulement 2D le kilo. Vous ne trouverez rien de meilleur marché. Achetez des miettes de soleil. Demandez mes pains de soleil. Demandez mes pains de soleil. Demandez. Vous qui avez de l'argent, montez, venez m'acheter du soleil vert. Ici, on vend du soleil vert. Soleil vert de Richard Fleischer, qui est sorti il y a presque 50 ans déjà. Simon Rio, pourquoi revoir Soleil vert en 2022? Pourquoi revoir Soleil vert en 2022? Pour constater le changement de statut du film au fil des décennies. Moi, quand je me suis ouvert à la cinéphilie, c'était un classique du cinéma un peu suranné dans ses thématiques écologiques, parce que bien sûr, ça n'allait pas se passer comme ça. Bien sûr, on n'allait pas en arriver là. Puis le revoir aujourd'hui, c'est découvrir qu'en réalité, ce n'est peut-être pas tant sur les modalités de la surpopulation et de la crise écologique stricto sensu que le film est pertinent pour nous. Aujourd'hui, c'est sur son portrait d'un néolibéralisme absolument triomphant qu'on ne peut pas remettre en cause, jusque dans l'ultime réplique du film, que je ne vais pas vous spoiler, mais qui encapsule à elle seule toute cette problématique-là, à savoir que l'homme est un loup pour l'homme qui a payé pour avoir un menu Big Mac, eh ben il n'empêche que le film nous fait constater que cette révolte ne peut pas advenir et qu'elle n'advient même pas en nous quand nous le regardons. Et il y a là quelque chose d'absolument saisissant quand on découvre le long métrage et qui fait que, justement, j'ai l'impression que son intérêt et sa pertinence ont été renouvelés, pas forcément là par où on l'attendait. Mais c'est intéressant parce que donc on voit bien apocalypse écologique, critique du néolibéralisme, régression du statut des femmes, dystopie politique. Et si aujourd'hui, en 2022, c'était il y a 50 ans, il était temps de sortir de tout ça, Ariel Kérou, puisque c'est précisément le thème de l'essai Utopie radicale par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines par Alice Karabedian dont vous voulez nous parler. Est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on parlait de l'émergence justement d'un afrofuturisme certainement peut-être un peu plus positif, quoi qu'il ait encore beaucoup de comptes à régler avec l'histoire, est-ce que cette nouvelle SF qui n'est pas dystopique est en train d'émerger enfin, ou pas enfin d'ailleurs? Disons que le point de départ donc du livre de Alice Karadébian, qui s'appelle Utopie radicale, avec un sous-titre par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines. C'est au seuil, hein. Exactement. Son point de départ, au fond, c'est de dire ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire, on a le sentiment, bien souvent, de vivre dans une dystopie. avec ce mélange d'inégalités sociales, de sentiments qu'on ne peut rien bouger, rien toucher, le réchauffement climatique, sans parler de notre vieux copain Covid, et qui risque d'avoir beaucoup de copains par la suite encore, en fait, visiblement. Donc on a ce sentiment-là, quelque part. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vit dans une dystopie de science-fiction ? On va pas écrire des dystopies, ce serait redondant. Donc on essaye, donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaye, au cœur même de la mouise, de trouver des pistes pour en sortir. Voilà, on se recrée des utopies. Et l'originalité, quelque part, du livre d'Alice Karadébian, c'est que là où la plupart des gens qui parlent d'utopie parlent de récits, comme s'ils parlaient de la réalité, là, ici et maintenant, effectivement, avec les cabanes et autres, c'est qu'elle dit non, l'utopie, elle doit être dimensionnée autrement, à la hauteur de ceux qui nous empêchent d'en parler et qui nous empêchent d'en construire. Et donc, elle dit, il faut qu'elle soit radicale. Mais radicale au sens de, c'est pas grave si elle ne voit jamais le jour. À un moment donné, la culture de Ian M. Banks, à un moment donné, Star Trek Discovery, premier contact de Denis Villeneuve, c'est d'autres modèles de société. Et le fait que ce soit impossible n'est pas un problème, parce que ça nous donne d'autres horizons, d'autres façons de vivre. Et donc, on se crée, quelque part, par ces utopies de science-fiction. On pourrait aussi citer, elle cite d'ailleurs Becky Chambers, avec Apprendre, c'est par bonheur, parce que de fait, ce que fait Becky Chambers, c'est qu'elle change le registre du space opéra et elle nous fait pour la première fois depuis très longtemps un space opéra, peut-être pour la première fois tout court, sans meurtre, sans rien, quelque part. Très féminin, en fait. C'est une utopie. On peut penser à Ada Palmer, évidemment. On pense à Ada Palmer, mais ce sont des utopies. Terra Ignota. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant chez Becky Chambers, c'est que le point de départ sous-jacent, en fait, dans l'ensemble du livre, c'est que des gens ont pensé que ça vaut la peine de partir à la découverte, d'explorer, pas de conquérir l'espace. Non, non, d'explorer. C'est la quête de connaissance. Ça, c'est une belle utopie. Et même si on se dit qu'à court terme, c'est pas possible, y penser aujourd'hui et se dire que ça peut nourrir nos imaginaires, l'imaginaire des gamins et des enfants, et pas simplement juste essayer d'envoyer des crétins comme Elon Musk sur Mars. En même temps, s'il y va, ce serait une bonne idée. Mais lui n'ira malheureusement pas. Non, mais justement. Mais il y croit. Hein. Et donc voilà, ça c'est porteur d'espoir. Et donc quelque part, cette revalorisation d'utopie, sachant que l'utopie des uns peut être la dystopie des autres, et dans sa radicalité même, dessinant peut-être d'autres horizons, pas forcément souhaitables, parce qu'il y a toujours des pics, des trucs qui vont pas. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui. Oui, dont vous parlez d'ailleurs dans votre essai Nos imaginaires du futur. Non, mais c'est intéressant ce débat, Yann Olivier, parce qu'à La Talente, vous êtes très sensible à ça. Vous essayez de poster ce qu'on pourrait appeler, alors je déteste la terminologie, mais de la science-fiction positive ou de l'uchronie positive. Ouais, et pourtant, on peut se dire qu'aujourd'hui, compte tenu effectivement du contexte politique, il est aussi peut-être important ou pas, et je le soumets à votre jugement, de se dire que refaire, alors non pas la servante écarlate, mais redire, attendons, regardez ce qui nous attend, regardez vers quoi on va et se dire que bah, finalement, Soleil Vert, c'est en train de devenir notre quotidien, c'est peut-être aussi des signaux d'alerte qu'il faut continuer à tirer ou pas. Ces signaux d'alerte, de toute façon, ils sont là. C'est-à-dire que majoritairement, on a de la science-fiction qui ne l'est pas positive. On en a énormément et on ne peut que le constater. Pour ma part, moi j'aime cette terminologie de science-fiction positive que je mets effectivement pour Becky Chambers ou pour bien sûr Roland Wagner. À mes yeux, chercher de l'espoir dans ce que Frederick Jameson appelle des archéologies du futur, c'est important. Dans la force d'utopie radicale, à mes yeux, c'est vraiment de dire, bah voilà, on a principalement deux avenirs qui s'offrent à nous, soit un avenir dystopique qui nous effraie, qui serait des signaux d'alerte, et ça c'est l'avenir des ruines, ou alors on aurait une seule presque utopie qui serait un retour à la Terre. Ça c'est l'imaginaire des cabanes. Il y en a d'autres. Becky Chambers, par exemple, pour moi, le meilleur exemple, et elle est l'autrice qui actuellement montre qu'il existe des avenirs, des romans, des archéologies du futur dans lesquels l'humanité fait face aux problématiques actuelles, la tête haute. Mmh. Et c'est ça l'important. Oui, Mario Mazurek, oui. Parler dans ce débat d'Ayardal, en fait, hein, ouais, mais oui. Qui n'est plus là, mais qui a... Alors lui, toujours eu cette conscience que l'utopie des uns est la dystopie des autres, et il n'a jamais traité autrement ses avenirs, même dans ses romans d'alarme, comme des questions ouvertes. Et quand on le relit aujourd'hui, on se rend compte à quel point sa pensée, je pense à l'Histrion, mais je pense aussi à la Bohème et l'Ivraie, est ouverte et nous montre que finalement l'humanité peut grandir, vieillir, etc. Les mêmes questions se poseront toujours à nous et qu'on devra toujours faire le choix, dans quel que soit notre avenir, entre deux options qui seront, alors Ayardal était très politique, la domination des uns ou au contraire le choix de l'humanité. Ayardal, dont l'écrasante majorité des œuvres est publiée au Diable Vauvert. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. On va passer côté série avec deux grosses sensations de cette saison. Une sensation très infréquentable, des super-héros vraiment pas sympas. D'autres super-terroristes suivront. Et qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être que ces maniaques attendent la première occasion de tous nous tuer. Putain, pour qui tu te prends ? J'essaie simplement d'aider. Vraiment ? Comment ? On est en guerre, mais on peut riposter. Avec une armée forte de plusieurs millions de super-héros. Allez, fais pas ta chochotte, carbonise-moi les seins. 1, 2, 3, elle a toute une armée de super. Il faut qu'on l'arrête. On veut plus de super. Oh bordel. Et on fait quoi maintenant? On peut pas tuer tout le monde. Si, c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà la bande-annonce de The Boys, la série de Eric Ripke à partir du comics signé Garth Ennis et Darick Robertson. Catherine Dufour, les partous de super-héros machiavéliques, ça vous a fait un petit truc? Alors The Boys, c'est les super-héros tels qu'on les a toujours soupçonnés. Qu'est-ce qui se passerait si Superman c'était un gus comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il a, sauf qu'il a bien plus de pouvoir que n'importe qui, et que du coup ça donne un super minable. Alors, dans la saison 3, on a l'arrivée d'un Captain America à la sauce Kripke, qui est nommé Soldier Boy. Alors, on aime ou pas The Boys, hein, c'est beaucoup de tartinage de boyaux. Alors, la recette pour savoir si c'est fait pour vous, vous regardez saison 3, épisode 1, 12e minute, vous allez avoir un aperçu de la vie sexuelle d'Ant-Man. Alors, soit vous hurlez de rire et c'est pour vous, soit vous vomissez et vous regardez autre chose. The Boys, c'est effectivement la mise en image d'une série de Garth Ennis, notamment, qui est connue pour d'autres séries comme Crust ou Preacher, qui sont des séries extrêmement radicale, extrêmement brutale, extrêmement violente. Et on a l'impression, Catherine, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, quand on adapte en général ce type de matériel pour le grand public et pour la télévision, eh bien, on l'édulcore. Là, le parti pris est littéralement l'inverse. C'est vraiment, on a le sentiment de se dire, mais jusqu'où ça va aller? Et ils vont quand même particulièrement loin. L'épisode 6 de la saison 3, moi, m'a donné des petites sueurs quand même. Oui, il y a des petites sueurs dans absolument tous les épisodes. Et c'est toujours pire, et ils mettent en scène toutes nos angoisses, notamment, j'allais dire, un peu le retour de la nazification aux États-Unis, si je peux me permettre de m'expliquer comme ça. C'est peut-être un petit peu excessif, mais je vais le dire. Bon, pas tant que ça. Ariel. Oui, c'est ça. C'est un peu la suite des Watchmen, en fait, qui ont débugué quelque part la logique du super-héros. Version Watchmen, très trash. Voilà, version très trash. Donc d'Alan Moore et Dave Gibbons. Et c'est vrai que c'est à mourir de rire. C'est-à-dire, moi j'ai pensé à Richard Virenque, ce fameux coureur cycliste, qui se dopait à l'insu de son plein gré. Et donc les super-héros tuent tout le monde, assassinent la veuve et l'orphelin à l'insu de leur plein gré. C'est le début de la première saison. C'est celui qui court plus vite qu'un TGV qui tue la petite amie du futur jeune héros. Qui l'a fait exploser en mille morceaux. Voilà. Il le fait à l'insu de son plein gré. On voit bien, il a l'air gentil, il est un peu con, mais ce super héros qui va très vite. Mais voilà, c'est Richard Virenque. Victor Bonnefoy. Non, mais il y a quelque chose aussi de passionnant, même sur la manière dont a été fait la série, le casting de la série, parce qu'on retrouve dans le rôle du grand super héros aimé tous Anthony Starr, Homelander, dans le rôle de Homelander, mais Superman. À la base, Anthony Starr, il jouait justement une forme de héros américain dans une autre série télé, qui était la série Banshee. On le montrait justement être cet homme comme tout le monde, mais qui était quand même super puissant, qui il se disputait avec toutes les femmes, mais il l'avait quand même à la fin. Il y avait toujours ce truc avec Anthony Starr d'être ce beau gosse extrêmement violent, mais quand même on l'adorait, qui passe ici dans je suis toujours ce beau gosse. Je sais pas si je l'aime toujours autant, par contre. Mais c'est rigolo parce que dans Banshee, en plus, il a vraiment la violence triste. C'est-à-dire qu'il a toujours un regard de droupie. Il doit faire mal, mais il en est désolé. Mais il fait très mal quand même. Oui. Et il tue des gens en leur mettant de la sauce barbecue dans la bouche et en l'enfonçant jusqu'au cervical quand même. Mais ça lui fait du bien, justement, The Boys. Ça lui Simon. Moral. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le comics dont s'inspire la série actuelle, c'est un comics qui débute sa publication avant l'avènement de Marvel et de Disney. C'est-à-dire que c'est une vraie critique critique des comics de super-héros et qui est, alors qui peut sembler un peu nihiliste, qui est très dur, mais qui est vraiment une critique réfléchie et pensée comme telle. Là où je crois que la série, est-ce que c'est à son corps défendant, je ne sais pas. Certes, elle nous présente des super-héros qui en fait sont des super-fachos, mais je crois qu'elle en jouit un peu. C'est-à-dire que, à mon sens, je le dis, pas tant comme une critique qui devrait l'invalider, mais comme quelque chose qui en fait aussi une source d'intérêt. Je crois que cette série, en fait, elle a beau nous dire ces super-héros, ils sont horribles, ce sont des fachos et puis qui ont une dimension complètement démente et qui sont tous des violeurs en série. Et ben en fait, c'est un peu de ça que nous, Américains, on a envie. C'est-à-dire que, certes, ce sont des affreux, mais c'est vraiment des affreux qu'on aime bien. La série est extrêmement ambiguë dans le regard qu'elle porte sur ces salopards. C'est aussi ça qui la rend intéressante, parce que je crois qu'elle en a envie de ces salopards. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est la marchandisation des super-héros. Mmh. C'est vraiment une équipe qui a la botte d'une multinationale et qui leur dit « Allez, hop, hop, hop, il nous faut des likes, vous allez me sauver un avion en détresse. » Ben, il n'y a pas d'avion en détresse. Ben, vous vous démerdez pour qu'il y en ait un. C'est très bien fait. Et qui met en place son propre marchandisation. Puisque on a les films des super-héros qui sont les films super-héros réels. Bref, c'est très ça. Amusant. Pas l'utopie radicale, c'est la dystopie radicale, mais qui la pousse encore plus loin. Puisqu'on est dans les comics, Yann Olivier, vous vouliez nous parler de Decorum, qui est un comic de Jonathan Hickman et Mike Huddleston, qui est paru chez Urban Comics. Oui, tout à fait. Déjà parce que Jonathan Hickman est un scénariste impressionnant au niveau comics. Il est l'auteur notamment de Nightly News, qui est un vrai manuel de guérilla urbaine contre les médias. Et du coup, dans Decorum, il se permet de nouveau absolument tout. Donc on est dans un grand space opéra dans lequel de nombreuses civilisations ont été laissées à pouvoir vivre, grandir telles qu'elles le souhaitaient. Sur plein de planètes différentes jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y en avait plus assez en fait, et du coup ils ont été chassés et une grande scission de l'empire s'est passée, notamment autour d'une église qui s'appelle l'église de la singularité et qui essaye de rassembler l'intégralité de ces planètes et de ces espaces à son propre compte. À la limite, ça c'est le décor. Ce qui est très très fort, c'est que de grandes histoires vont se passer en parallèle. À la fois une fresque initiatique d'une jeune femme qui, par un concours de circonstances, va devenir une étudiante dans une école d'assassins uniquement féminines, qui s'appelle la sororité de l'homme. Et de l'autre côté, un grand danger cosmique, un grand affrontement plus que danger cosmique entre l'église de la singularité et une somme de sœurs, de mères, qui empêchent l'éclosion de Dieu depuis des centaines de cycles. Et du coup on a cette opposition à la fois d'une fresque initiatique donc qui va nous permettre de découvrir le monde et de l'autre directement du danger cosmique. Donc on passe du pédiluve au plongeoir de 5 mètres en deux pages, mais en même temps il laisse à Mike Huddleston toute largesse au niveau du dessin, ce qui fait que chaque civilisation, chaque embranchement de l'histoire va pouvoir avoir son style d'un vaisseau dans un style des années 70-80. On va tomber sur des planches en noir et blanc et après dans une civilisation où on a une BD avec un dessin presque franco-belge. Et du coup, on passe de tout ça dans un même comics. C'est vraiment impressionnant. Et puis, Jonathan Hickman a cette très grande force de nous proposer de l'étrange dans tout ce qu'il nous propose. Là, dans du space opéra, mais dans Black Monday Murder, c'était sur la question de la magie de l'argent. Et si j'aime particulièrement et je recherche particulièrement de l'espoir, comme je le disais pour Becky Chambers, moi ce qui me happe, ça reste l'étrange. Je suis un énorme fan de La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer, par exemple. C'est exceptionnel, ou la trilogie du Rempart Sud. Et du coup, l'ensemble de cette étrangeté transparaît et dégouline de l'intégralité des comics de Jonathan Hickman. Et du coup, lisez Decorum. Je vous disais tout à l'heure, donc c'est Decorum, c'est chez Urban Comics, le premier tome est sorti en 2001, le deuxième le 11 mars dernier. Comme d'habitude, tous les liens vers les références, vous les retrouvez sur notre fil Twitter ainsi que sur la page de l'émission. On va passer, je vous disais tout à l'heure, les deux grosses sensations de cette saison, The Boys d'un côté, en un peu plus policé, en un peu plus franchisé, Marion Mazorik. Alors j'ai été sidéré quand vous m'avez proposé ça, vous voulez nous parler de The Mandalorian et du livre Boba Fett. Mais Marion, vous en avez pas marre des franchises? Qu'est-ce qui vous arrive, Marion? Je ne vous reconnais plus. Comment dire, assez radical quand même, assez critique par rapport à ce monde. Et comment on peut aimer Boba Fett? Et franchement, je me pose la question. Et me poser la question m'a permis d'y répondre, en fait. Alors Boba Fett, alors je vais commencer par Boba Fett, Mandalorian, je pense que tout le monde connaît l'argument, hein. C'est une série donc qui a été adaptée par Disney, donc vous savez que l'univers a été créé par Lucasfilm, et puis évidemment il s'est marchandisé lui aussi, et il est allé donc vers le plus de diffusion possible, et sans doute ce que les scénaristes imaginent comme un état moyen de la fascination dont on parlait à l'instant, pour le type vraiment facho, quoi, qui veut... d'abord qui dit je suis roi, hein, parce que c'est quand même l'argument de Boba Fett. Il arrive sur une planète, le tyran précédent était vraiment insupportable, donc lui dit je vais être un meilleur tyran, mais enfin bon, c'est quand même je prends. Il prend par sur tout le monde, les autres étant forcément toujours plus dégueulasses que lui. Et puis ensuite, il conquiert son pouvoir à la force de ses muscles, avec un niveau de dialogue qui est quand même très très bas. Et puis sur les premiers épisodes, une segmentation qu'on avait déjà vue dans Mandalorian, c'est-à-dire le bon rythme de, vous savez, rebondissement, action, meurtre, opposition, explosion, surpassement. Alors on a toutes les figures, on a la baston sur le train, alors ça c'est, on se retrouve dans James Bond, on a même le cow-boy à la fin comme dans le Pistolero, donc en plus on a vraiment la somme des clichés qu'on peut d'ailleurs aimer, et c'est là qu'on s'interroge dans les pulp cultures dont on sort tous un peu. Et c'est là que je m'interroge sur moi-même et je me dis, mais quand même Marion, comment tu peux suivre déjà le Mandalorian, alors là avec passion, je l'ai vu 3 fois. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, à ce point-là, ouais. Ben, c'est un truc familial, en plus, mon fils, mon mari, tout le monde, enfin, vous voyez, on aime. Alors, et puis Boba Fett qui va quand même assez loin, c'est-à-dire que c'est vrai que jusqu'au 5e épisode où Mando arrive avec bébé Yoda, alors là, enfin, Grogu, donc bébé Yoda, son nom c'est Grogu, là quand même ça prend un autre niveau, mais jusque-là je me disais, mais Marion arrête, non mais c'est inavouable, c'est un péché inavouable. Et puis j'ai réfléchi, évidemment, pourquoi j'aime ça? D'abord parce que je fais partie de la génération qui a vu naître l'univers de Star Wars, depuis les premiers, vous savez, les 3 premiers qui sont maintenant les 3 derniers. Les 3 du milieu. Les 3 du milieu. Enfin, bon, bref, voilà. Ouais. Et qui ensuite s'est enrichi de spin-off, de séquelles, de travail sur les origines, etc. Au fur et à mesure que le mode de production devenait de plus en plus industriel, capitaliste, et contraint à faire des grosses audiences mondiales. Et j'ai beaucoup aimé, dans Mandalorian, ça je le dis, mais évidemment en même temps c'est un cliché massif, l'idée de l'homme en armure qui ne retire jamais son casque et qui va prendre soin d'un bébé qui est un petit chiot, hein, donc forcément on fond, c'est même mieux qu'un humain. Donc à chaque fois vous vous dites quand même, non Mario arrête, c'est un plaisir coupable. Mais en fait le plaisir c'est quoi? C'est d'avoir vu une œuvre qui ressemble maintenant à un patrimoine culturel, se constituer au fur et à mesure de notre vie, évoluer avec quand même un gars, Jon Favreau, qui est le réalisateur, le showrunner des séries. Et qui est un énorme spécialiste des pop cultures, qui a commencé avec Friends, qui avait plein de choses, qui a voulu faire une série sur les cow-boys et les extraterrestres. Moi, les cow-boys et les extraterrestres, je suis une authentique amatrice de culture populaire. J'adore. Évidemment, je parlais du Pistolero de Stephen King, mais c'est des déclinaisons. Et en fait, qu'est-ce qu'on a aimé dans les comics et dans tous ces univers de super-héros qui nous nourrissent aujourd'hui, autour duquel on publie, hein. Moi, je vais publier un livre formidable qui est une descente en flemme satirique des super-héros au nom de leurs dommages collatéraux. On vient d'en parler. Et alors, dans quoi on s'est projeté quand on était gamine à 15 ans et qu'on lisait ces récits qui étaient en pleine guerre froide, totalement facho, macho, insupportable, anticommuniste, anti-indien, enfin... Oui. Et donc, c'est aussi notre patrimoine culturel. Et on a réussi, à travers ce discours idéologique foireux, finalement, à se construire tel qu'on est. Romain de Déjà, juste pour rebondir sur le Mandalorian, je pense que c'est vraiment une série de fans. C'est-à-dire que Jon Favreau est un réel amateur de cet univers qu'a créé George Lucas. Et il a notamment eu une idée absolument géniale. C'est que la créature de Baby Yoda, de Grogu, il l'a recréée exactement comme George Lucas faisait ses propres créatures. C'est-à-dire qu'il a fait une marionnette et il a quitté, pour un temps, le CGI, c'est-à-dire les images générées par ordinateur en 3D, pour faire une créature réelle, qui a un poids et avec lequel le comédien pouvait interagir. Et ça, je crois que c'est comme une sorte d'hommage à ce cinéma des années 70, 80, 90 qui faisait du réel avec les accessoires. Et c'est notamment une des idées super de cette série. Vite en bonne foi. C'est marrant qu'on cite Jon Favreau comme le fan ultime à qui on confie des licences. C'est quand même le type qui a lancé le MCU. C'est-à-dire oui, que Iron Man, le premier, c'est le premier Iron Man, c'est John Favreau. Donc déjà l'univers cinématographique qui deviendra l'univers des fans absolus où on fait tout pour les fans tout le temps a été lancé par celui qu'on décrit comme le fan absolu de John Favreau. Ariel Kirou. Sachant que Iron Man, je veux le rappeler quand même à l'origine, ses deux grands ennemis, c'est Dynamo Pourpre et le Mandarin, qui comme leur nom l'indique, sont pas tout à fait des on va dire des ultra-libéraux. Marion, en un mot, une nouvelle collection qui arrive au Diable Mouvoir l'année prochaine. Ah oui, tout à fait. C'est une collection numérique, en fait, de textes. Une collection qui est une collection de textes d'intervention, en fait, qui est animée par Élise Thiébaud, qui va couvrir un peu tous les sujets, avec une accroche féministe, mais ça nous permet de parler de SF et de l'avenir du monde, bien évidemment. Des textes courts, plusieurs fois par an, et puis des papiers aussi, des formats papier, mais secondairement, avec l'idée de faire... jaillir les idées très très largement. On suivra ça, merci beaucoup. Deux mots, alors rapidement, parce que moi aussi je devrais vous dire ce que j'ai aimé. Moi il y a deux séries que je vous recommande, une dont on avait déjà parlé l'année dernière, qui s'appelle For All Mankind, qui est signée Ronald D. Moore, qui est le papa de Battlestar Galactica. Je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point j'aime cette série, qui raconte une uchronie, à savoir bien que se passerait-il si les Russes étaient arrivés en premier sur la Lune. Mais il se passe que la course à l'espace continue, on débute, la troisième saison est en cours de diffusion, bien après la Lune, on commence à s'interroger sur la course vers Mars. Je trouve ça absolument passionnant et extrêmement bien écrit. Et surtout, ma vraie surprise de l'année, c'est une série qui s'appelle Severance de Dan Erickson, réalisée par Ben Stiller, sur l'histoire d'employés de bureau qui acceptent de faire diviser leur mémoire en deux. Ils ont leur mémoire de jour et puis leur mémoire de bureau. Les deux ne communiquent plus du tout et donc ces gens qui sont au bureau ne savent pas ce qu'est la vie de leur personne à l'extérieur et vivent dans cette espèce de bulle. C'est complètement kafkaïen, c'est extrêmement étrange, limite borgésien, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. On sort des séries et on revient au grand classique avec 1984, mais en bande dessinée. 1984 n'a pas cessé d'être adapté, Eric Lagadec, et vous avez envie de nous dire qu'on peut le relire et pas uniquement via le texte d'Orwell. Déjà, je ne sais pas trop quoi dire sur 1984, parce que je pense que tout a déjà été dit. Moi, je pense que c'est le premier livre de science-fiction que j'ai lu. Je crois que si je me rappelle bien, j'avais 14-15 ans. Et je crois que c'est un livre qui a marqué des générations. C'est un livre, je peux pas raconter le pitch, je pense que tout le monde sait que c'est un monde... Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, comme on disait chez moi, donc allez-y en deux mots. C'est un monde totalitaire où on est contrôlé, il y a Big Brother, il y a plein de figures qui sont même venues dans le langage courant. Et je crois que c'est quelque chose qui a marqué vraiment des générations. Et on voit d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ce livre, il est, de temps en temps, il a des pics de vente, notamment au moment de l'élection de Trump aux États-Unis. Ça a été un livre qui a été vendu. On l'a passé du rayon science-fiction au rayon actualité, voilà. C'est ça? Mais c'est malheureusement, en fait, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez hallucinant de voir qu'on a un monde, ce livre a été écrit en 1949, où on a un monde qui est contrôlé par la technologie. Et en 1949, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. Et pour parler du roman graphique, c'est écrit par Fido Nesti, un Brésilien, qui a décidé, c'est assez impressionnant, de le faire en deux couleurs. Donc tout est gris et rouge, et ça fait un environnement qui est vraiment impressionnant, et je pense que c'est quelque chose aussi qui est assez facile à lire et qui est à mettre entre tous les bonnes mains, parce que 1984, c'est, je pense, s'il y a un roman de science-fiction que tout le monde doit lire, c'est celui-là, et ça, c'est quelque chose aussi qui permet d'accéder à la plus large population possible. Je pense que c'est à mettre entre les mains des gens qui l'ont déjà lu. Je pense que c'est intéressant de le revoir, de mettre un visage sur ces personnages qu'on a tous lus. Et ce que j'ai envie de dire aussi, je sais pas si vous le voyez, ce livre, il fait 200 pages, c'est une bonne BD. J'ai envie de dire, c'est un livre en noir et rouge, mais c'est aussi un livre vert, parce que si on doit le mettre dans la valise, vaut mieux prendre le train que l'avion. Parce qu'il est un peu lourd. Ça, c'est l'une des versions, qui est publiée aux éditions Grasset par Fido Nesti. Il n'y a pas eu trois adaptations, hein. Il y en a une, par Xavier Coste, aux éditions Sarbacane, une également par Rémi Torregrossa aux éditions Soleil. Effectivement, on voit quand même qu'il y a un prisme du présent qui donne envie de relire 1984, et je crois aussi qu'il est tombé dans le domaine public, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, il vient de tomber dans le domaine public, alors que Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley l'était déjà, puisque Le meilleur des mondes est sorti en 1932 de mémoire, alors que 1984, c'était 1949. Bien, Olivier. Moi, ce que j'aime beaucoup dans 1984 et chez Orwell, c'est cette capacité actuellement à l'utiliser presque comme un... On dit que telle pratique est orwellienne, ça c'est de la novlangue, etc. Sans le lire, sans y retourner. On parle de façon inverse, souvent comme l'utopie d'ailleurs. La dystopie et l'utopie provoquent ce même genre de principe, puisque c'est la réduction du langage, et c'est jamais tenter de faire évoluer le langage vers de nouveaux mots qui est un problème, mais bien plus celui de rétrécir le langage que celui de la novlangue. Et ça me semblait important de le rappeler. Dans les classiques revisités, on repart en BD toujours pour une série de donjons. Alors il y a eu Potron Minet, il y a eu Zénith, il y a eu Crépuscule. Et là, Svar et Trondheim, toujours chez Delcourt, ont décidé d'étendre la frise chronologique Mathilde Fontaise, puisqu'on passe à Donjon Antipode, qui se passe à moins 10 000 et à plus 10 000. Oui, ça marche ou ça marche pas? Alors moi j'ai beaucoup aimé le moins 10 000. Qui raconte, donc il faut rappeler ce que c'est que Donjon. Donjon, c'est quoi? C'est une espèce de d'œuvre monumentale qui a été lancée dans les années 90 par Trondheim et Svar, et qui avait vocation à se, disons, à faire des pirouettes autour de l'heroic fantasy. Donc on s'est placé dans un donjon, et puis ils ont publié d'un coup trois tomes, un tome d'année 1, un tome déjà, en fait, en jouant dans le temps. À moins 100. À moins 100 et à plus 100, quoi, en gros. Pour montrer l'apogée, la chute et, enfin, toutes les aventures autour d'un donjon qui est lui-même géré comme une sorte d'entreprise avec des personnages qui sont tous des animaux et dans lequel les preux chevaliers vont venir se battre contre des... Voilà. Et en fait, après, derrière, effectivement, il y a toutes ces pirouettes qui ont été faites de temporelles, etc., pour à chaque fois, dans la volonté à chaque fois de varier les genres. Et il y avait cette idée de... Donc on est dans la fantasy, on joue avec la fantasy, et puis après on fait de l'humour autour de ça, puis on joue avec l'absurde, et puis on joue avec le cap et épée, etc. Et là, en fait, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est que on arrivait dans la SF tout à coup. Alors il y avait un petit surgissement dans un des tomes avant, avec l'arrivée d'un personnage qui réalisait les automates. Mm-hmm. On avait quand même comme ça le début en fait de cette idée de c'est des gros rationnels, je crois, hein, Svar et Trondheim. C'est pas des personnalités qui vont laisser comme ça la fantaisie s'exprimer. Elle s'est exprimée pendant de nombreux tomes, et tout à coup elle est rattrapée, la fantaisie, et donc on a un tome, elle est rattrapée, je veux dire, pour être expliquée, rationalisée, et on a l'arrivée tout à coup de mécanismes derrière. Donc on a le moins 1000 qui nous raconte comment est-ce que les animaux se sont mis à parler, et tout à coup on commence à avoir une explication de comment est-ce que les animaux se sont mis à parler progressivement, alors qu'on était dans un monde dominé par les elfes, la chute des elfes, etc. On est toujours dans un et après dans le plus 10 000 qui se décline en deux, il y en a un qui est sorti en 2020 qui s'appelle Rubéus Khan, et l'autre qui est sorti cette année et qui s'appelle Le Coffre aux âmes. Et bien là on a l'arrivée vraiment des robots, avec les héritiers de ce personnage qui faisait des automates dans le tome à moins 400 et qui arrive comme ça à plus 10 000. Alors patron, la grand patron, avec une industrie de la robotique, et à la fin du tome qui est sorti il y a 2 ans, qui est, donc se place en plus 10 000, on a, sans spoiler, un gros combat de gros robots méchants avec tous les codes du genre. Mmh. Le tome qui est sorti cette année va plutôt partir dans une histoire qui est un peu à la Indiana Jones, mais qui pareil explique de nouveau, via la parole d'une archéologue. La fin des elfes, la magie s'efface, voilà, dans cette grande saga de fantasy qui a été faite au départ par des fans de Donjons et Dragons. Exactement, hein, c'était une parodie initiale. Et bien, aujourd'hui, par petites briques, et là de manière assez forte, hein, depuis 2 ans, l'arrivée de la rationalité, de la technologie, de l'explication de chacune des choses. Donc, sachant que les deux derniers tomes, l'action se situe donc aujourd'hui, mais dans un aujourd'hui un peu futuriste. Et on garde toujours ce ton absurde, cette espèce d'humour à fleur de peau qui faisait vraiment la signature de l'écriture de Trondheim et Svar. Oui, on le garde complètement. Et là, le dernier héros, donc Rubéus Khan, c'est même carrément, donc c'est un canard rouge avec un Marcel qui, moi, m'a fait penser à John McClane. Hein, allez, dernière recommandation pour cette SF plein la valise. On passe par l'animé avec Magnetic Rose de Katsuhiro Otomo, hein, c'est l'auteur d'Akira, sorti d'un triptyque de 95, Victor, qui ressort bientôt en Blu-ray chez Eurozoom. Alors oui, pas que en Blu-ray, parce qu'il va aussi faire un petit passage en salle. On a la chance justement en France d'avoir un distributeur qui s'appelle Eurozoom, qui nous permet d'avoir énormément d'animations japonaises sur nos écrans. À une époque, c'était beaucoup compliqué, merci à eux. Alors, vous disiez que ça venait de Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira. Oui et non, pas vraiment. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Katsuhiro Otomo a écrit des scénarios qu'il a coécrit avec quelqu'un qui est pas très connu non plus dans l'animation japonaise, qui s'appelle Satoshi Kon. Et ensemble, ils ont développé un univers de 3 courts-métrages qui vont être présents dans ce film, donc à sketch, qui s'appelle Memories. Le premier d'entre eux, donc celui dont j'avais envie de parler, donc qui s'appelle Magnetic Rose, et qui donc du coup est écrit par Otomo Satoshi Kon, et toute la direction artistique vient de Satoshi Kon. Donc on a un ensemble déjà absolument merveilleux. On raconte l'histoire d'une bande d'éboueurs de l'espace, vraiment, c'est-à-dire cette autre vision de l'espace, qui ne sont pas les héros, mais ceux qui viennent ramasser les déchets après les combats entre vaisseaux spatiaux, qui reçoivent un SOS et se disent « Tiens, allons jeter un coup d'œil, qu'est-ce qui se passe sur cette espèce de champ magnétique, planète, on ne sait pas trop ce qu'il en est, puisqu'on entend des chants d'opéra. » Et puis quand on s'en approche, on trouve soudainement une sorte de manoir vénitien à l'intérieur d'un vaisseau, où deux personnes vont commencer à essayer de comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi il y a de la nourriture, mais quand on la touche, elle part en poussière, pourquoi il y a des sortes d'hallucinations qui viennent les surprendre par instant avec cette femme avec une robe rouge qui semble vivre ici, qui a vécu quelque chose dans le passé, on ne sait pas vraiment. Et c'est ce qui va se déployer dans ce moyen métrage, parce que quand même, il fait une 40aine de minutes. Ils se sont quand même donné la part belle à pouvoir développer une vraie belle histoire. On va avoir la chance de le voir en 4K, en salle, cet été. C'est vraiment pas rien. Sachant qu'en plus, on aura donc 2 autres courts-métrages. Un autre qui raconte l'histoire d'un être humain radioactif qui traverse la ville sans se rendre compte qu'il est radioactif, pendant que des milliers de militaires commencent autour de lui à essayer de lui tirer dessus. Il fait « Mais je comprends pas, moi je fais juste une balade ». Et le dernier qui lui par contre est écrit et réalisé donc par Otomo, qui s'appelle je crois Cannon Man ou quelque chose comme ça, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui lui travaille pour lancer des gros missiles et qui se rend pas compte qu'il fait la guerre, parce que pour lui après tout, tout n'est qu'un jeu. Memories, c'est brillant, comme tout ce qu'a fait Otomo, c'est brillant. Tout ce qu'a fait Satoshi Kon aussi est brillant. Revoyez Perfect Blue, revoyez Paprika. Et pouvoir avoir enfin ce film-là en salle, moi qui l'avais découvert à l'époque enfant sur Virgin 17. Donc vraiment... Mais vous, c'était hier, Victor, oui, mais voyons. Évidemment, la chaîne de télé n'existe même plus. Non, vraiment, c'est un beau honneur que de savoir que ça va arriver en salle. Merci Eurozoom et merci Otomo et Kon pour leur talent. Et ça sort à quelle date, Victor ? Normalement, ça sort fin août. Je veux pas dire de bêtises, j'allais dire le 29 août, mais c'est quelque chose autour de ça. On va vérifier ça. 29 ou 26, exactement. Sur Twitter. Exactement. Bon ben voilà, ça y est, on y est, la méthode scientifique, c'est fini. Alors que vous dire ? Eh bien, déjà ma fierté, mon émotion, fier d'avoir été près de vous chaque jour depuis 6 ans. Fier d'avoir vu se succéder à ce micro des centaines de scientifiques venus transmettre leur savoir, d'avoir partagé leurs connaissances avec passion, avec générosité. Fier comme tout, évidemment, et avant tout, d'avoir porté toutes ces années le travail de toute cette équipe incroyable. Cette équipe qui a fait véritablement ce qu'est la méthode scientifique. C'est à vous toutes d'abord et à vous tous que je vois derrière en régie, que je pense, vous qui avez été là sans discontinuer depuis le début. Contre vents et marées, cette petite famille qui a été la nôtre pendant 6 ans, qui ne sera et qui ne se défera, j'espère, jamais complètement. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozet, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Olivier Bétard, je vous aime follement, donc merci pour tout. Un gros big up pour la meilleure équipe du monde, j'espère, s'il vous plaît, parce qu'ils le méritent largement. Je compte évidemment, vous qui nous écoutez, sur vous toutes et vous tous, pour être massivement au rendez-vous de la nouvelle émission qu'ils vont porter à la rentrée dès le 29 août sous la houlette de Natacha, d'Antoine et de tout le reste de l'équipe. Un immense et évidemment incommensurable merci à Sandrine Trainer de m'avoir donné cette si belle chance de prendre les commandes de cette émission, de sa confiance indélébile, de son amitié également indéfectible au fil des années, qui a été pour moi précieuse, certainement au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Merci Sandrine. Et puis big up aussi à toutes celles et ceux qui ont mis la main à la pâte et qui ont contribué à construire cette émission. Michel Alberganti, qui a si gentiment et si élégamment accompagné nos débuts et à qui vont mes pensées en ce moment. Alexandra Delbo, Mathieu Lefrançois, qui ne nous ont jamais vraiment quittés depuis leur premier jour de stage. Elisabeth Miro, Mariam Ibrahim, Xavier Martinez, Zoé Sfez, Olivier Lascar, ici présent, qui s'est glissé dans ce fauteuil pendant un mois, comme dans des charentaises. Hélène Trigueros, qui a brillamment pris le relais de la réalisation ces derniers mois, et toute la de nos merveilleuses et merveilleux stagiaires, Léo Quentin, Hugo Bartholomé, Sarah Higemans, Tom Imdenstock, Éléonore Pérez, François Lamalordi, Alexandre Morales, Loïc Dutoit, Amel Boucherka, et puis tous les camarades techniciens, Ludovic Auger aujourd'hui à la technique, mais je pourrais citer Jean-Guy Lamèche, Florian Bujon, Audrey Guélil, Anthony Thémasson, Jacques Casubert, Jean-Frédéric, et tous les autres que j'oublie, et puis surtout, et peut-être même avant tout, une gratitude éternelle à vous toutes et tous, pardon, d'avoir été assidus et passionnés, interpellés, curieux, parfois agacés, bien sûr, et vous avez eu bien raison, le plus souvent en tout cas amicaux, pour avoir constitué cette grande et belle famille autour de l'émission, ainsi que pour les centaines de messages bienveillants et affectueux que vous m'avez envoyés ces derniers jours. Croyez bien que tout ça me va très sincèrement droit au cœur. Pardon. Excusez-moi, voilà, fierté, émotion, vous l'entendez, de quitter cette maison qui a été ma seconde maison pendant 20 ans de ma vie. C'était des années superbes, des années intenses, très intenses, parfois un peu trop intenses. Croyez bien que c'est pas une décision simple, mais qu'il faut savoir écouter quand le corps parle et quand il dit stop. C'est donc stop pour moi, mais c'est un stop serein. C'est un autre chapitre qui commence, c'est un drôle de truc, hein, je vous le cache pas. La bonne nouvelle, c'est que je ne vous quitte pas tout de suite. On se retrouve tout l'été à 7h20 pour un été dans les étoiles, un voyage au Chili pour découvrir les plus grands télescopes du monde et ces gens merveilleux et un peu fous qui dédient leur vie à scruter le ciel loin du monde au milieu du désert. On se retrouve également tous les samedis et dimanches de juillet à 18h15 pour une nouvelle saison d'Infiniment. Pour explorer cette fois les limites du vivant, vous avez déjà entendu ça l'année dernière, on va parler de la planète et de l'univers, et puis si je quitte la radio, je pars peut-être pas si loin que ça, ça sera certainement pas à la radio, encore moins à la télé, mais ailleurs, et ça c'est le début d'une autre histoire que je ne manquerai pas de vous raconter, mais vous le savez depuis le temps, je crois aux forces de l'imaginaire. Allez, à bientôt, jusqu'à preuve du contraire.